3 canons, 4-4. Fais-moi de la place, place. Soit tu me compenses, sinon tu tailles. Soit je me taille ou tu tapes au-dessus de la mêlée, pas de batte. Monsieur, que voulez-vous, que voulez-vous? Non, mais de quoi je me mêle? Je veux de l'air, avec toi je m'emmène. Alors de quoi je me mêle? Tu fous la merde, non, y'a pas de repère. Chérie, coucou, fais-moi je veux le bifton, pas de bobo. Chérie Coco, veux ma photo. Fais-moi pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mia t'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais Appelle-moi Catalina, mia pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule. Le bouquet trop détend dans l'air, il est toc toc. Est-ce que tu pourrais m'étonner? Je sais pas si t'es cop, en vrai me parle pas. T'oublies les codes, codes, de quand t'es cop. J'vois pas le vaisseau mère, y'a jamais rien sans rien. Que des mots, j'veux pas me laisser faire. Où est mon vaisseau mère? J'aimerais toucher le ciel. Tu yombe, yombe, yombe, yombe, yombe, chérie, tu sais. Chérie Coco, fais-moi j'veux le bifton, pas de bobo. Chérie Coco, veux ma photo. Fais-moi pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mia t'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais Appelle-moi Catalina, mia pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule. Tu me parlais, j'ai vu tout l'inverse. Donc c'est mort, je m'en vais. Pas de retour, je m'en vais. Non mais de quoi je me mêle? Je veux te plaire, avec toi je m'entraîne. Alors de quoi je me mêle? Tu fous la merde, non y'a pas de repère. Chérie Coco, fais-moi j'veux le bifton, pas de bobo. Chérie Coco, veux ma photo. Fais-moi pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mia t'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais Appelle-moi Catalina, mia pour qui tu te prends, joie en toi, tout dit.